Bonjour, ici Sébastien Benoît, animateur de Pyramide et quelquefois danseur exotique. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchet en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Et Mathieu Bouillon. Salut, salut. Bonjour messieurs. Salut. J'ai dit Mathieu Bouillon, pas André Robitaille. C'est vrai que ça ressemblait à Mathieu Bouillon, hein? Salut. Oui. Alors, pas de problème. La balado diffusion où on tente de régler vos problèmes. Oui, je suis capable. Je le fais souvent. La balado diffusion. Oui. Oui, gênez-vous pas des problèmes sur Facebook. On en a besoin. Il en faut. Oui. On se nourrit de ça. Oui. Et, messieurs, avant d'aborder un problème, je voulais juste vous demander. Mm-hmm. Je pense que ça va faire un an, là. Ah! Ouais. Un an qu'on diffuse presque à toutes les semaines? Oui, on a manqué quelques-uns. Oui, bon, c'est l'été, Noël, c'est sûr. Il y a des... On est tight, là. Ben oui. Est-ce que c'est une bouteille de champagne que je vois, là? Ah! Non, c'est... Oh! Oh! Clouc. Délicieux. Je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire pour souligner notre première année. Une grande fête. Oui. Oui. Le lancement de notre site Internet. Oui. Ah oui. Ah oui, tu me l'as. Très bon. Il n'est pas là encore, ça s'en vient. Oui. Il y a d'autres concours qui s'en viennent. Oui. Une diffusion live, hein? Aussi. Une diffusion live. En fait, non, un enregistrement en direct. Un enregistrement live. Oh, hey, je le sais. Oui. Peut-être des gaminés. Des T-shirts. Ouais. Gaminé, Techniquement, c'est pas un mot. C'est T-shirt? Ouais. Ah bon, ben je vais dire T-shirt d'abord. Ah, il fait 2 semaines, en fait, que tu me reprends. C'est quoi ton problème? Je m'excuse, Antoine. Hey, une chanson, là, ouais. Mais voilà, écoute, ben peut-être qu'on va faire des choses, ça, rester au courant. Hey, et surtout, en fait, allez lire les messages qu'on vous envoie sur Facebook si vous êtes abonné. Ça pourrait être le fun pour notre anniversaire aussi, que les gens disent quel a été leur épisode préféré. Oui, ouais, très bon. Moi, je reste très attaché aux perruches. Oui. Et vous, les magiques. Ouais, nous, il faudrait les réécouter puis faire un best-of, peut-être. Ouais. Ah, oui. Ouais. C'est beaucoup c'est plus de travail qu'en faire. Ouais, c'est long, c'est long. Le choc qui bavait. Le choc qui bavait. L'université de Nancy. L'université de Nancy. Il y en a eu plein. Le voileau. Le voileau, moi, c'est dur. Monsieur Bourrand. On va en créer d'autres. Ah, des moments magiques. Aujourd'hui, des moments magiques. Oh! Avec un problème. Antoine. Dominique Barbouchi. Je connais pas cette personne. Non, voilà, c'est un hasard. Il y a mon père et mon frère qui s'appellent comme ça. Nous deux. Attention. Non, mon parrain, il a juste le prénom, il n'y a pas le nom de famille. Attends, je note ça. Oui. Dominique Barbouchi nous demande. C'est bon. Oui. Sur notre page Facebook. Oui. Comment désengorger les urgences des hôpitaux? Attendre plus de 12 heures pour voir un médecin, ça pod d'allure. Pod. Podophiles. Bon salut d'ailleurs. Ils sont partout, les podophiles. Ils se promènent en écoutant. Ah oui. Peut-être ils donnent des bonbons aux jeunes. Oui. Ils ont l'oreille, hein, ils entendent. Ouais. Je plaide coupable de podophilie. Il n'y a pas d'âge pour être podophile. Il n'y a pas d'âge. Si c'est un crime, je plaide coupable. OK. La situation au Québec, oui. Messieurs, l'objectif du gouvernement, une promesse de M. Charest, 12 heures. Mm-hmm. Ouais, 12 heures. On a augmenté de 30 minutes par rapport à l'année dernière. En moyenne, au Québec, attente aux urgences, 17h36 minutes. Ah, ouais. Ça a augmenté de 2h12 depuis 5 ans. Ça, c'est la moyenne québécoise, 17h36. À Montréal, la moyenne, c'est 20h13 minutes. J'imagine que ce problème-là a fait surface dans d'autres pays aussi. Ah oui, absolument. On n'est pas les seuls. Mais je termine sur notre beau coin de pays, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui. Qu'on salue. qu'on salue, détient le triste record, la moyenne, 34 heures, 6 minutes. Ah, ben, la moyenne, alors des fois, tu vas attendre 40, 45 heures. C'est la moyenne, 34 heures. Oui, c'est un record. C'est de la moyenne. Mais dis-toi qu'il y a quelqu'un qui attend une semaine, puis il y a quelqu'un qui attend une minute. On peut voir ça comme ça, aux urgences. Ben, avec cette personne qui est décédée l'année dernière, aux urgences pendant 4 jours. Bon, il y a des problèmes. Ouais. Comment régler ça? Tu l'as dit, Frédéric, on a vu des problèmes ailleurs... tout aussi important, c'est sûr. Mm-hmm. Dominique, c'est peut-être une question de distance. Moi qui viens de Québec, tout ça, ça m'arrive souvent d'attendre... quand c'est une urgence, souvent, t'as pas le choix d'attendre. Mais si j'ai à me rendre, j'aime autant aller plus loin un peu, parce que c'est sûr qu'au centre-ville, quand t'es dans des grands centres comme ici, tout ça, l'attente est vraiment grande. C'est pas tant une solution, mais... Une solution immédiate serait peut-être d'aller plus loin, de se déplacer un peu pour aller à l'hôpital. Ben, écoutez, on ne se le cachera pas, là, c'est mon frère qui a envoyé ça. Ben oui. Que je salue. Et je salue tout le monde aujourd'hui. Salut! Salut! Oui, merci André. Et je pense que c'est... Son gars, il s'est cassé le bras cet été. Son gars s'est cassé le bras. Oui. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il a attendu. C'est de là, ouais. Et mon frère n'est pas à Montréal. Non, non. Donc, je pense qu'il faudrait aller plus loin encore. Parce que lui, il est en banlieue. Écoute, la moyenne, c'est 17h36. Écoute, tu vas attendre à peu près partout. Un peu moins, peut-être, en région. Mm. Mais tu attends. Et là, on parle des urgences. On parle pas non plus des listes d'attente pour les différentes opérations. Opérations à l'ange, par exemple, les cataractes, ou les choses comme ça. Là, c'est 6 mois, 1 an, parfois plus. Mm. C'est fou, hein? Des fois, des petites opérations esthétiques, là, comme des grains de beauté ou des choses comme ça. Là, moi, ça a pris jusqu'à 2 ans pour... Mais t'es tellement esthétique maintenant. Non, mais je sais, mais c'était pas une espèce de grande beauté, on s'entend. C'est juste qu'il y avait un danger que ça puisse devenir quelque chose d'autre. Mais ça a quand même pris une éternité, disons. C'est long. Mais en fait, je reviendrai à la question. Oui. Plus de 12 heures pour voir un médecin. Sauf que techniquement, voir un médecin, c'est relativement facile. Ouais. Hein? Mm-hmm. Tu t'installes dans un stationnement d'hôpital, tu vas en voir plein. Être vu par un médecin. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est plus dur. voilà. Ceci dit... Cela dit. Je suis épuisé. Il est tout le temps là. Excuse. Dans l'ombre. Je m'excuse. Non, tu fais bien. Regarde, j'arrête. C'est normal que quelqu'un surveille le français dans cette baladeux diffusion. Alors, on niaisons pas nos podophiles. cela dit, Antoine, t'allais... Ouais, mais moi, j'ai une série de choses à dire. Lâche-toi, Luce. OK. maximiser les salles d'opération. Ouais. Les standardiser. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'avoir des salles d'opération pareilles partout, ce qui permet à n'importe quel médecin ou chirurgien, chirurgienne, quand ils arrivent dans une salle d'opération, de se retrouver immédiatement. C'est pareil partout. Rendre ça standard. Sinon, ils arrivent à un endroit, ils font maximiser, évidemment, c'est les heures que ça ne sert pas, essayer de trouver des solutions à ça. Mm-hmm. Combiner les différentes étapes. Quand tu vas... À l'urgence, tu rencontres un médecin pour un problème X, il en profite tout de suite puis te fait passer Y, Z. Comprenez? Tu viens pour une affaire de t'es pas bien, de tension, mais il fait, mais bougez pas, tous, la prostate, 2-3 tests en même temps. Il y a des endroits qui ont fait ça. Ça coupe l'attente. Il parlait de faire le à la chaîne, là, comme Là, toi, tu parles... Ça, c'est... Oui, vas-y. Ben, comme les compagnies d'auto, là, les productions d'auto. Tu parles de la technique Toyota. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Notre ministre est engagé là-dedans. Je garde ça pour la fin, mais allons-y. C'est intéressant. Excuse-moi. Non, l'hôpital Cloutier du Rivage qui a implanté la méthode Toyota ou le Lean Healthcare... leur temps d'attente en moyenne était de 17h18. Ils sont passés à 5h19 minutes en 1 an. Mais après c'était qui a annoncé qu'il commençait cette façon de faire-là, Toyota fait des rappels. Auraient grossi trop rapidement. Ils n'ont pas formé leurs gens. Il faut pas mêler la philosophie et l'erreur. Mais bonne question, de Toyota. Monsieur, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est juste? Monsieur Toyota. Oui. Qui était dans le textile dans les années 30, est arrivé avec cette idée-là. Puis c'est combiné aussi avec une idée qui est arrivée dans les années 50, le « just in time », le « juste à temps ». Okay. Et lui, c'est vraiment une philosophie d'entreprise. C'est en 12 points, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, qui font de la formation là-dedans. Les deux piliers de ça, c'est le « just in time », le « juste à temps » et l'autonomation. OK. Le « juste à temps », c'est l'idée, c'est d'enlever les pertes. Le muda, en japonais. OK. Pas de muda. On veut pas de muda. No muda. Pas de pertes, pas d'entreposage. Mais tu sais, avant, là, on construisait, puis on entreposait. Puis on vendait ça, on essayait de pousser ça. Mm-hmm. Maintenant, beaucoup les entreprises, comme Dell, par exemple, c'est à mesure. Quand tu commandes ton ordinateur, en théorie, ils partent sa chaîne de montage. OK. Donc, ils n'ont pas d'entreposage. Ils font à mesure. Et ils veulent responsabiliser les employés. Les employés ont maintenant le pouvoir d'arrêter la chaîne de montage. Avant, c'était pas dans les philosophies des entreprises. C'était les dirigeants qui décident quand ça arrête. Okay. Là, mais là, ça conscientise l'employé. S'il voit une erreur ou un défaut, il fait hey, « il arrête, il y a un défaut ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mm-hmm. » Donc, de les responsabiliser, puis aussi qu'ils se parlent entre eux. Ouais. Et c'est aussi l'idée de le cousin, qui est l'amélioration continuelle. Tu veux toujours améliorer ce qui se passe. Mais comment ça s'applique en, c'est ça. En santé? Écoute, ça s'applique. Écoute, ils font le parallèle en santé. Ça, c'est le lean manufacturing. La chaîne, le lean... c'est comme la, à la chaîne. C'est... Oui, mais c'est, vraiment, c'est vraiment une philosophie. Ouais. C'est l'amélioration constante. Mm. J'essaie toujours d'améliorer ce que je fais. Et c'est pas nécessairement les responsables en haut de la pyramide, mais c'est tout le monde. Ouais, c'est les employés aussi qui font. Moi, je vais voir mon voisin, puis je dis, « Hey, toi, t'es infirmière. Quand tu m'amènes le plateau, là, s'il était dans ce sens-là, moi, ça m'aiderait bien, gros. » Mais là, ça fait un hôpital complet de gens qui font... Non, mais à chaque fois qu'ils se font dire un conseil, un commentaire... Non, mais... Ben, peut-être. Mais tu vois, Toyota sont devenus comme ça une des plus grandes entreprises automobiles. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont donné un coup, puis ils ont appliqué ça. C'est plus compliqué que ça. Je peux pas dire que je comprends tout non plus. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment une philosophie plus qu'une... méthode. Il y a quand même cette idée-là, le Muda, cet exemple classique, Henry Ford, qui a commencé le travail à la chaîne avec des voitures. Mm-hmm. Il se faisait livrer des morceaux pour les autos par d'autres compagnies, des sous-traitants, dans des caisses en bois. Puis il a demandé à ces sous-traitants-là, « Hey, vos morceaux, tant qu'à me les envoyer dans des caisses de bois, est-ce que les caisses de bois pourraient avoir telle et telle dimension? » Parce qu'au lieu de jeter les caisses de bois, il les prenait... Il était déjà fait de la bonne dimension, puis il servait dans la construction des voitures. Je comprends. Tu vois l'idée? Pas de muda. Oh, pas de perte. Sur soit la caisse, il y a plein de compagnies qui jettent la caisse. Non, mais il fait parfait. Puis en plus, je fais couper ça par quelqu'un d'autre. C'est en bonne grandeur déjà. Ouais. Ça va dans le taux. Merci, bonsoir. Hein, c'est pas fou. Ah, tu vois l'image du muda. Pas de muda, amélioration constante. Puis là, tu trouves des idées comme ça constamment. T'améliores. Conscientise. Les employés. Hey, c'est vraiment intéressant, ça, Antoine. Mais c'est compliqué. Mais il faut conscientiser aussi, peut-être, tous les gens qui vont aux urgences. Oui, certainement. T'sais, parce que c'est ça, il y a une grosse partie de l'attente qui est le triage. Oui, c'est ça. Et des fois, on attend, nous, jusqu'à temps qu'on a trop mal, puis après, on s'en va là, on s'en va au triage. Puis, on dit, quand dans le fond, c'est quelque chose qu'on aurait dû aller en clinique. Ça, améliorer les soins primaires avec InfoSanté, par exemple. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a vraiment de quoi... C'est un service qui est quand même répandu, que nous, on connaît, mais je ne suis pas sûr que c'est toutes les générations au Québec qui connaissent InfoSanté. Mm. C'est vraiment très efficace. Là, c'est des infirmiers formés, des infirmières formées qui peuvent t'aider directement. Ils vont te le dire, là, vas-y à l'urgence. Ben, c'est ça, au lieu que ce soit toi qui prenne cette décision-là. Ouais. Complètement. Il y a des super infirmières qui arrivent en ville. La première cohorte va graduer bientôt. Ils sont des infirmières formées, une petite coche de plus. Ils peuvent faire des choses qu'avant, c'était seulement les médecins qui pouvaient faire. Des procédures, c'est très bon. Okay. Qui étaient pratiquement capables de faire par expérience, mais qui n'avaient pas le droit. Alors, il fallait attendre après un médecin. Maintenant, ils ont un petit peu plus de pouvoir, de jeu. Donc, évidemment, l'idée, c'est de désengorger. Ouais. Évidemment, investir. Investir dans les équipements, les établissements, le personnel. Ça, c'est une solution... facile. Étendre les soins continus à domicile, de longue durée, en résidence. Parce qu'en coupant là-dedans, ça fait plus de gens aux urgences, évidemment, qui se retrouvent en difficulté. J'irais avec... c'est niaiseux, là, on parle de philosophie, mais la positivité. Oui. Wow! Non, mais, tu sais, tu vas à l'urgence, t'as le bras cassé. C'est sûr que t'as hâte vraiment que quelqu'un te réponde. Mais... Là, tu fais... Excusez mon langage, mais ça prend donc bien du temps. Très long. Je suis tanné. Là, ça crée une boule de négatif. Puis après ça, ben Les docteurs, les médecins ont à travailler dans cette Tout le monde est dans le même bateau. Là-dedans. Tout le monde est dans le même bateau. Mmh. Essayer de créer le meilleur environnement possible. Je sais là, que c'est facile à dire pour un gars qui est assis devant un micro puis qui... Bon, j'ai juste mal à une cuisse, je sais pas pourquoi, mais je vais y aller. Mais je vais pas aller à l'urgence pour Info Santé, t'as pas appelé? J'ai pas appelé encore. On peut appeler live? Oui. Ce sera pas là. Mais peut-être juste essayer de faire, en tant que société, un effort commun de prendre son mal en patience. Ouais. Mais oui, c'est ça, exactement. C'est deux choses, moi, je trouve, d'y aller en s'attendant à ça. Mm-hmm. Ça reste des statistiques, ça reste des moyennes. On pouvait aller à l'urgence avant en se disant « ça va prendre une heure, ça va être fini, puis on va s'en aller ». Mais maintenant, tu le sais que ça va prendre 12 heures. Ouais. Mm. Fait qu'en soi, y aller mindé, de « oui, j'ai à passer une demi-journée là-bas pour recevoir des soins ». Et pourquoi pas les hôpitaux, plutôt que de travailler, en tout cas, d'essayer d'améliorer le service, c'est ce que tout le monde essaie de faire, évidemment, améliorer l'attente. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, pourquoi pas créer une espèce de plus-value dans cette attente-là, au lieu d'avoir des télé-scrap en coin, puis des chaises inconfortables et tout ça. T'sais. Des revues récentes. Ben c'est ça, peut-être. Des danseuses exotiques. Ouais. Bon, des vraies danseuses. Oui, Sébastien Benoît. Mais des chaises longues, tu sais, des choses dans ma Oui, c'est ça. Ouais. En parlant d'améliorer l'attente, dans des gros buildings, avec des ascenseurs, des fois, c'était long. Mm-hmm. Les gens qui attendaient en bas, puis ils trouvaient ça long, puis il y avait des plaintes, des choses. Et ils ont amélioré en mettant des miroirs. Je pense que tu l'as déjà dit, Antoine. Tu l'as déjà dit, hein? Ouais. Mais je trouve qu'ils promettent des miroirs. Et est-ce qu'il y a un mot qui veut dire... Mais là, il ferait... Ça saigne donc, ben! Non, mais c'est cette idée-là de faire passer le temps. Mais peut-être pas. Oui, je comprends. Les miroirs, je crois que c'est une bonne idée. Mais peut-être pas dans l'attente à l'urgence. Ah oui, je suis donc bien blême. Hey, je suis donc bien du sang d'en face. C'est clair que je perds cet œil-là. Ben, ça t'occupe quelques minutes quand même. Mmh. Oui. Hey! Des jeux. des jeux de table, mais tout. Opération. On entend souvent parler de la pénurie de personnel aussi. Ouais. C'est-tu ce problème-là qu'il faut comme... Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de la santé dans la direction. Il y aurait quelque chose à faire là, c'est sûr. Mm. Plus de médecins, oui. En même temps, tu as assuré un minimum de compétences. Là, c'est sûr que on pourrait faire « let's go ». C'est facile de devenir médecin, mais on aurait des problèmes quelque part. On parle d'immigration, des gens qui auraient peut-être les compétences, mais c'est très compliqué d'avoir le droit de pratiquer ici au Québec. Les équivalences. Ben, déjà, avec les Français, c'est fait. Oui, c'est ça. Ils ont des ententes. Puis, fait que là, nos médecins s'en vont là-bas. Oui, c'est ça. Ah, mais il y en a qui viennent ici, papa. Ah oui, j'en entends. C'est sûr. Oui, mais on salue, d'ailleurs. Oui. Oui. Allô. On va être numéro un dans la francophonie. Yeah! Si on est capable de prendre son mal en patience, puis ça tombe qu'on est 2 heures avant un match de hockey, la rumeur est vraie, là. Pendant les matchs de hockey, il y a moins de monde aux urgences. Ah ouais? Ouais. Ouais. Donc, essayez... En tout cas, c'est dur de dire « je vais choisir mon moment pour aller à l'urgence », mais... Il y a moins de monde aussi pendant pour le plaisir, le midi, je pense. Oui, ça, c'est vrai. Qui reste à la maison pour écouter. Non, mais des fois, c'est plein parce qu'ils l'écoutent dans la salle. Tout le public vient l'écouter dans la salle. Puis aussi, après l'enregistrement, je pense que des fois, il y a des gens qui ont des malaises, puis qui vont, tu sais. Ouais. Puis... Mm-hmm. Mais c'est pas tourné dans une salle d'urgence. Bon. Hey, moi, j'ai vu un sketch tellement vulgaire à cette émission-là. J'ai manqué à l'urgence après. Oh! Pour le plaisir, à Radio-Canada, c'est les démons du midi HD, en fait. Oui, nouveau, ouais. Hein? Voilà. C'est une blague de prostituée. C'est ça qui m'avait choqué. Ah, mais c'est un problème depuis tellement d'années. Ouais. Mm-hmm. Ben, c'est un problème qui augmente, en fait. C'est ça qui fait peur. Et la part du budget gouvernemental augmente d'année en année de façon exponentielle. Puis est-ce que vous pensez qu'une conscience de la médecine privée, de se dire « j'ai les moyens, je peux aller dans une clinique privée peut arranger quelque chose? » Le peu que j'ai lu, là, les endroits où ils ont permis ça, ça n'a pas nécessairement raccourci les attentes. Non? Ah non? Non. Okay. Non, ça pas nécessairement. Que... Ben, ça dépend du modèle que tu utilises. Est-ce qu'il y a des hôpitaux privés qui avaient un quota public, puis là, quand ils ont rempli le quota public, ils attendent du monde qui paye. Fait que pendant des mois, c'est vide. Si tu peux payer, tu y vas. Sinon, nous, notre quota est fait. Ouais, c'est ça. Puis là, est-ce que tu enlèves des médecins du système public? Là, ici, on essaie de faire quelque chose d'un peu hybride. Il n'y a pas de modèle plus convaincant que ça nulle part. Et moi, je vais vous dire... La population vieillit, puis ça coûte cher. Ma solution personnelle... Ouais. Oui. Eh bien, c'est... ma belle-sœur étudie en médecine. Donc, chacun son médecin. Bon plan. Dans la famille. Ouais. Voilà. Ouais, il y avait des traditions comme ça, que le prêtre, le plus jeune, devenait prêtre. Ouais. C'est une grosse famille. Ouais. C'est ça. Quand t'es tout seul, prêtre, médecin. Ben moi, j'allais dire, là, peut-être là, sensibiliser les jeunes à l'école à l'importance de joindre le système de santé. T'sais, dire, là, dès ton plus jeune âge, là, un peu comme faire reluire ça comme une carrière là, d'avenir, puis que ça prenne une vocation, mais qu'on se respire de toi. C'est tellement d'années. Ouais. C'est fou. Oui, c'est hallucinant. Quand même, finis par pratiquer 34 ans. Ouais, si tu veux faire une spécialité, en plus, là, c'est long. Sinon, je sais que ça n'arrive pas le problème, mais si tout le monde était plus en forme... Oui. Il y a une vieille expression... vieille expression américaine. Walk it off. Ouais. Qui veut dire... Marche un peu, ça va passer. C'est ça. Va mettre de l'eau dessus. Rends-toi à pied à l'hôpital. Oui. Maintenant, c'est iPhone it off. iPhone it off. Ouais, quel point c'est le fun. Ouais, ben. Je pense qu'on va devoir faire une deuxième partie à ce podcast-là un jour. On va y revenir. C'est rare qu'on règle pas à 100% les problèmes. Ouais. Habituellement, c'est tellement de facteurs. Et lui, il est majeur. Hein, ouais. C'est gros, ça. Désengorger les urgences. Moi, ma solution préférée, c'est le pas de mouda. Ouais, moi aussi. Vraiment. Ouais, je sais pas s'ils vont arriver à... Ouais, il essaie. Ils veulent ça. Ils veulent l'implanter partout. Ouais. Oh, oui. Fait que, tu sais, ils t'enlèvent l'appendicite, ils la servent en repas à un autre malade. T'sais. Exactement. Ouais. Ça sert partout. Ils s'en servent pour un gag juste pour rire. Oui. Ça sert vraiment. Moi, solution préférée, ça serait peut-être d'améliorer le triage encore. Ouais. Il doit y avoir pas de mouda au triage. Non, mais... Ouais, c'est ça. Gérer les listes d'attente. Ouais. Détecteur de mensonges. C'est tout un casse-tête, ça. Ben intéressant. Je sais pas comment, mais ça doit se faire. Messieurs, vous savez préféré, ouais. Et non, c'est moi, là, parce que je continue à réfléchir. Ouais. Tu sais, les jeux, là, où comme tu fais des hamburgers, là, tu sais, tu sers des clients, là, puis là, faut que tu partes un hamburger, faut que tu partes une frite, tu lui donnes une frite, t'as juste une place pour ta frite, puis là, tu repars, tu vas le plus vite possible. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec des blessés d'hôpitaux, puis en live avec des gens qui jouent à la maison? Oui. Puis c'est eux qui font le triage, qui font ça. Ben, OK, là, j'ai un gars qui est urgent là. Non, attends, j'ai une jambe là. J'ai un médecin là, puis tu joues. Tu deviens bien bon, puis on te plug direct sur l'hôpital. On pourrait faire ça aussi avec... Team Hospital. Ah ouais? Ouais, c'était ça. Bon, ça existe, mais oui. Puis de s'en servir pour de vrai. Puis tant qu'à ça, faire le même jeu pour les impôts. Mm-hmm. Puis, Les avions, l'armée, les banques. On l'a. Les gens jouent les à gamers. Des jeux de gestion, puis... Ouais. Mais dans la vraie vie... Ils gèrent rien. Ouais. C'est le même. Roller Coaster Tycoon. Ben, si vous aussi, vous avez des solutions à ce problème-là, écrivez au gouvernement. Oui. Mais oui. Ou si vous avez des problèmes et des commentaires, écrivez-nous sur Facebook. Hein? Mm-hmm. J'en ai pas parlé en début de podcast, nous avons toujours un concours. Oui. Mm-hmm. Le livre de Linda Sauvé, Comment faire une série de problèmes avec des solutions, plein d'experts qui se prononcent. Le livre de Frédéric Barbouchi, le manuscrit. Oui. La question, quel était le problème de l'épisode 12 de Pas de problème sur iTunes? Vous avez la réponse, numéro 12. La réponse est là. Vous écrivez à Paul Problème à partir de notre page Facebook. Et Mathieu et moi, on avait dit qu'on allait rajouter un cadeau. Oui. Hein, Mathieu? Ben, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Nous allons donner chacun deux billets à des spectacles de la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise, les dimanches soirs au Lion d'Or, où nous jouons tous Oui. Sauf Antoine. Et nous allons donner deux billets chacun, Mathieu et moi, oui. à des matchs où nous jouons. Donc, oui. regardez l'horaire sur citronlime.com/forum voilà. ou les amis de la Lime sur Facebook. Oui. Et venez voir ça. Au gagnant. Est vert, je suis jaune. Exactement. Et Fred est orange. Oui. Et, on s'adresse à toute la francophonie. Mm-hmm. Oui. Alors, les gens de l'extérieur du pays, mais on verra. Oui. Ben, oui. Venez. Vous viendrez. Ben oui, je suis donc bien niaiseux, ben, moi. Ben oui, il y en a plein qui viennent. Hein. Et aussi, merci à Sonar. Oui, merci. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Merci, François. Oui, merci beaucoup. Hey. Mm-hmm. C'est dommage, smart, ça. C'est pas pire. Ouais. Ben voilà. Okay. Antoine, le mot de la fin. Oui, hey. Vous avez un problème? Nous avons un podcast numéro 1 dans la francophonie. Yeah!